La voisinade. Et salut à tous et bienvenue pour cette super voisinade complètement à l'envers. Comme vous pouvez l'écouter, en fait, c'est pas du tout qui est l'homme qui parle. J'ai décidé de lui prendre sa place aujourd'hui. Et deuxième petite chose, c'est que Charles n'est pas là pour nous parler du jeu aujourd'hui. Et donc, du coup, nous avons une invitée à sa place, c'est Alice. Bienvenue, Alice, dans notre émission. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Comment ça va? Bah tranquille hein. Moi ça va, j'ai raté ton lancement mais c'est pas grave. Je suis quand même là entre deux places. On va commencer tout de suite avec l'histoire de nous. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Alors Mélie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la légende de la fondation de la ville de Rome. Waouh, voilà, on t'écoute. Vraiment, personne m'embête. Ouais, non, mais c'est parce que c'est moi qui anime, mais t'inquiète pas, ça va changer. T'inquiète pas, je vais arriver. Je me disais, attends, il y a personne qui me fait une critique, un pic, quelque chose. C'est de la merde. Voilà. Alors du coup, donc j'ai décidé de vous faire une chronique. Alors j'aurais pu vous faire une chronique barbante et banale sur comme la légende de la fondation, comme d'habitude, voilà. Mais j'ai décidé d'innover un peu et de vous faire vivre en direct la fondation en faisant revivre les personnages. C'est ludique. Et oui, c'est ludique. Avant de, évidemment, vous parler de tout ça, il faut quand même replacer un peu le contexte, puisque le mythe de la fondation de Rome ne commence pas réellement avec les jumeaux Romulus et Rémus qui sont allaités par une louve, comme vous le savez peut-être, mais avec... Moi, je suis né en étant allaité par une louve. Ouais, c'est comme ça que je suis née. Hein. Ah, c'est ça, les dégâts. Ma mère est une louve. Doria, si nous écoute. Mais avec Énée, qui est un des héros de la ville de Troie, la légende veut que le Troyen, fuyant sa ville dévastée par les Grecs, soit venu s'établir entre la Sicile et Carthage. Et il s'est établi finalement sur le Tibre. Il a épousé Lavinia, qui est la fille du roi nommé Latinus. C'est pas très original. J'ai une question. Oui. Tu me dis, hein, sur le Tibre de Frosties. Voilà, merci. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais quitter le studio tout de suite. Il n'anime pas, mais il est toujours aussi en forme. Non. Hein. Pour les auditeurs, j'ai pris la place de Charles, qui normalement est le plus blasé de l'équipe. Et là, on a mis le feu follet. Du coup, ça va être n'importe quoi cette émission. Faut vite partir. Mais du coup, 4 siècles plus tard, il y a un conflit qui va éclater entre les deux descendants, entre Numitor et Amulius. Numitor, il va hériter du trône, tout simplement. Amulius, évidemment, il va pas être content. Il va vouloir récupérer les richesses. Et pour se venger, il va tuer le fils de Numitor pour éviter qu'il ait une descendance, tout simplement. Eh ben, c'est sympa. C'est sympa, il y a une bonne ambiance dans la famille. Il va également faire donc de sa nièce Rhea Silvia une vestale. Et une vestale, Alice sait ce que c'est puisqu'on révise ensemble le CAPES. Ouais, c'est quoi une vestale? Ça garde le feu sacré à Rome. Voilà, c'est une prêtrise. Oh la vache. Voilà. Mais en fait, c'est un sacerdoce qui fait qu'on doit rester fier. Un sacerdoce. Mais qui parle comme ça, sérieusement. Mais n'importe quoi, c'est un sacerdoce, l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a, Charles Baudelaire, là, sérieusement? Traduction, ça veut dire un prêtre. Non, mais sérieusement. C'est en espagnol qu'on dit comme ça. Attends, moi, j'ai fait des cours d'espagnol avec Duolingo. Ça se dit comme ça, voilà. Elle sacerdoce. Donc, voilà. Bref, qui oblige les Vestales à rester vierges toute sa vie. Sauf qu'en fait, il y a le dieu Mars. Pas trop d'où il arrive d'ailleurs, qui va tomber amoureux de la jeune fille. Et la jeune fille va accoucher donc des jumeaux Romulus et Rémus. Ah, les fameux! Sauf que vous doutez bien, Amulius, il n'est pas forcément super content qu'il y ait des héritiers. Du coup, il va les balancer dans le Tibre pour s'en débarrasser. Allez, c'est parti! Voilà, c'est l'histoire. Hein. Tu m'étonnes. Ces deux jumeaux vont être recueillis par une louve. Vous connaissez sûrement la légende, la louve qui allait être Romulus et Rémus. Bah, tu l'as dit en début de chronique. Oui, c'est simplement pour vérifier que vous aviez compris. Mais je le sais parce que c'est le logo du club de foot de l'AS Rome. Voilà, à chacun a ses références. Hein. Désolé. Non, c'est bien, c'est bien. Par la suite, donc, c'est un berger qui va élever les enfants en compagnie de son épouse. En fait, son épouse, elle était une prostituée. Elle était surnommée la Lupa, et en latin, Lupa, ça veut dire louve ou prostituée, d'où l'origine de la légende. Ça n'a rien à voir. C'est le latin, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien, moi, je traduis juste. Hein. Et donc, la légende de la louve qui allait être les jumeaux attire son nom de là, et devenus adultes, évidemment, les jumeaux y décidèrent de fonder une ville. Et voici leur histoire. Waouh, c'est beau. Alors, du coup. Je vais essayer de faire des petits accents pour comprendre qui est Rémus et Romulus. Hé hey Rémus, est-ce qu'on n'irait pas fonder une ville? Oh non. Oh bah carrément mon frère, c'est une superbe idée. Je propose qu'on appelle la ville Romulus. Je suis pas super d'accord, sachant quand même que c'est moi qui ai eu l'idée, hein. Ah, de toute façon, t'es jamais d'accord avec moi. Tu sais quoi? On a qu'à s'en remettre aux augures. Ah, carrément, on va régler notre problème en interprétant les volontés de Jupiter. Non mais c'est pas un peu abusé là? Bah tu proposes mieux peut-être. Bon bah voilà, on fait ça. Donc moi je vais aller me mettre sur la colline du Palatin, toi t'iras sur l'Aventin. Bon bah d'accord, on fait ça. Une fois sur l'Aventin, Rémus s'écria: oh, je vois 6 vautours voler dans le ciel, c'est un signe des dieux. Et moi j'en vois 12 des vautours, c'est donc moi qui vais décider du nom de la ville comme prévu. Il a vraiment dit gnignignignignignign, d'accord. Alors, monsieur Romulus, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben moi je sais, on va tracer le pomerium, la limite sacrée de notre ville. Romulus traça donc le sillon sacré de la ville. Non mais... Vas-y, continue. Tu crois vraiment que ton petit sillon soi-disant sacré, il est infranchissable parce que monsieur Romulus l'a décidé? Ben vas-y, essaye de le franchir pour voir. Rémus, évidemment, franchit d'un pas ce rempart symbolique et aussitôt Romulus le tua. Sympa. À la suite de cela, il proclama « Le pouvoir ne se partage pas ». Et d'ailleurs, on comprend vraiment cette expression quand on étudie les empires, l'Empire romain. Le nom de la ville de Rome descend donc du nom de Romulus. Et la légende raconte que c'est de cette manière que Rome fut fondée en 753 avant notre ère. Il faut savoir que les sources archéologiques viennent également confirmer la date de la fondation. Mais évidemment, c'est un récit. Voilà pour cette histoire. J'espère que vous avez pu apprécier être en contact avec Rémus et Romulus qui étaient avec nous ce soir. Hein. À quel moment Romulus et Rémus ils ont inventé la pizza? Parce que j'ai raté cet épisode. Je vais demander à Romulus. Je sais pas quand est-ce qu'on a inventé la pizza. C'était quoi le pomélium? Non, c'est quoi le truc? Pomélium. Le pomélium. Le pomélium, les gars, il invente des droits. Le pomélium de Rome. Vous avez compris ce que c'était le pomélium? Il a expliqué un petit peu. Oui, il a expliqué. Ouais. Les frontières, machin. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est. Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais ça à tes élèves? Bah ouais. Parfait. C'est en sixième, ça. C'est en sixième? Ouais, c'est en sixième, ouais. Et en seconde aussi. C'est en sixième, la fondation de Rome. Oui, bah je me rappelle. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Non, mais je me rappelle tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Mélie pour nous avoir rappelé ces souvenirs. Moi, je vous propose que toutes tes chroniques soient comme ça à partir de maintenant. En dialogue, ouais, moi j'aime bien. En vrai, c'est stylé. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous propose d'écouter Glitter and Crimson après cette magnifique petite chronique de Mélie. Four-leaf clover. C'était Glitter and Crimson de All Time Low. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Et c'est parti, Guélon, vous êtes qui, vous ? Et qu'est-ce que vous faites autour de la table des chroniqueurs ? Eh ben, je me suis perdu. On m'a dit, oui, l'animateur de base, c'est un pourri, c'est un vendu, il faut le dégager. C'est la révolution, machin, machin. Je prends sa place. Donc, du coup, je t'ai laissé la place. Et moi, je me suis mis autour de la table pour raconter de la merde. Voilà. Cool. Exactement, ma vie. Je suis en train de trifouiller mon téléphone. C'est pour ça que je commence pas ma chronique. Et on va commencer par... Alors, je vais quand même expliquer à Alice le but de la chronique. Oui. Le génie de l'actu, c'est simple. J'ai regardé tous les articles qui existent sur Google. J'ai pris les plus drôles et les plus intéressants de l'actu. Je vous pose des questions, vous devez trouver l'actu. Okay. Ça va, normalement, c'est plus facile que Capes. Normalement, ça va. pas toujours. Alors, on va commencer avec une première étude qui nous dit quelque chose sur deux verres de vin. Mais quoi ? Que c'est super bien. Oui, c'est ça, oui. Donc, une étude pour dire que deux verres de vin, c'était super bien. Bah non, mais ça n'a pas été fait, le taux d'alcoolémie. Non, bah non. Non, c'est pas ça. Deux verres de vin. Par jour ou par mois ou par semaine ? Non, c'est pas forcément dû au nombre de fois que t'en prends. C'est vraiment les deux verres de vin. Ça a été comparé à quelque chose. La vitamine C qu'il y a dedans. Oui, bah oui. T'as jamais vu les mecs ? Je suis un peu fatigué. Ah bah, prends un petit pilon rouge. Mais en plus, tu m'as regardé. J'ai cru que j'avais la bonne réponse. Comment je t'ai eu ? Non, mais genre, c'est deux verres de vin égale 5 fruits et légumes par jour. Alors là, j'annonce que Millie est en pleine forme avec tous les verres de vin qu'elle boit. Non, c'est malheureusement pas forcément une bonne nouvelle. Ah. Aux pesticides ? Non. Quoi ? Les calories ? C'est ça, exact. Bah, c'est pas la réponse exacte, mais selon une étude, deux verres de vin seraient autant, voire plus caloriques qu'un burger. Voilà. Donc, si vous refusez un burger parce que vous dites c'est trop gras, et bien sachez que blanc, rosé ou rouge, le vin fait partie des alcools les plus caloriques, notamment à cause de la quantité de sucre contenue dans les bouteilles. Voilà. Donc, peu importe la bouteille choisie, il y aura toujours du sucre et c'est au moins l'équivalent d'un burger, voire plus en fonction du vin. Je sens que Millie est au bout de sa vie. Ouais. Moi, je vais quitter ce studio. L'étude qui a été menée à analyser une trentaine de bouteilles de vin et le résultat est surprenant. Ce sont les vins les moins alcoolisés qui ont le plus de calories avec en moyenne 50 grammes de sucre par bouteille. Voilà, soit le taux à ne pas dépasser par jour. Donc tu bois deux verres de vin, t'as ton taux de sucre pour toute la journée. Mais c'est horrible. Voilà, donc c'était mais la. Mais est-ce que ça va nous pousser quand même à arrêter ? Non, ou pas ? Bah non. Mais il va rentrer sur une bouteille. Hein. Il va dire, mais j'ai pas eu ma dose. Je suis un peu en hypoglycémie, là, donne-moi du vin, s'il te plaît. Ça fait vraiment passer pour une alcool. Elle va rentrer, elle va sur une bouteille, calmement, pour aller sur un niveau. Ah bah, vers semblant, on la connaît. Voilà, cette fois, on va partir sur une autre étude. Il y a une étude qui a été faite par la société SpecOps Software. Mais sur quoi ils ont pu faire une étude avec le nom que je viens de vous donner ? SpecOps Software. C'est un logiciel, déjà. Ouais, donc c'est un rapport avec... l'informatique. Avec l'informatique. Ils ont analysé... Quoi ? Mais pourquoi elle parle pas français, la dame, là ? Si, mais elle est partie trop loin. Mélie ne parle plus français. Non, du coup avec l'informatique, ils se sont amusés à regarder les 800 millions de mots de passe qui ont été piratés en France en 2021. Et à votre avis, quel est le premier ? 0000. Non. 1, 2, 3, 4. Non. Le prénom ? Covid. Bah non, comment ça va être le prénom ? Parce que du coup, si ton prénom c'est Mathilde et qu'il est numéro 1, c'est-à-dire que tous les gens du monde s'appellent Mathilde et que du coup ils ont tous appelé Mathilde, tu vois. Je veux dire, c'est pas très logique. Non, je voulais dire prénom, le mot non. Prénom. Non, c'est une suite de lettres. A, B, C, D, E, F, G. C'est pas QWERTY. QWERTY. QWERTY, bah, exactement, oui. Voilà. QWERTY, donc c'est le chiffre. Le mot de passe le plus donné, et évidemment, le deuxième, c'est AZERTY. Voilà. Donc à savoir quand même qu'en France, il y a 579 attaques de mots de passe par seconde. Mais par contre, il faut être un peu débile pour appeler son mot de passe QWERTY. Oui, hein. Bah oui. C'est pour ça qu'il est dans le top des piratages. D'accord. En même temps. Et il y a beaucoup de gens aussi qui donnent des noms de villes. On a dans le top Pau, Gap, Nice, Agen, Dax, Bron et Sète. Il y a au moins la moitié des villes que je connais pas. Non, mais Pau. Et il y a Paris qui est en milieu de classement, tu vois, tout simplement. Ouais. C'est vrai que Pau, on va Pau, se faire c'est chier. Vraiment, genre, t'es feignant. Je savais même pas que l'ordinateur pouvait accepter de mettre Pau. Genre, il y a trois lettres. C'est pas un mot de passe, frère. Faut changer les trucs, là. Surtout que logiquement, tu mets ça dans la ville où t'habites, donc c'est encore plus bête parce que tu peux encore plus te faire pirater facilement. Bah oui. Parce que c'est sûr que si t'habites Marseille et que tu mets Mont-sur-Meurthe, normalement, ça va. C'est bizarre. Il y a peu de chance que t'aies mis Mont-sur-Meurthe. Donc ça passe. Mais à savoir quand même qu'il y a 18 milliards de piratages enregistrés par les entreprises dans le monde entier. Voilà. C'est énorme. Et voilà. Et surtout qu'on met beaucoup de noms de séries télévisées aussi. On a HPI, Friends, Dexter, Lupin ou encore Fargo. Oh là là, faut vraiment être bête. Oui, faut vraiment être con. Faut en mettre de B. Enfin bref. Alors, on va changer d'actu. On va partir en Grande-Bretagne où la copine de quelqu'un a quitté le restaurant parce qu'il a fait quelque chose, mais quoi ? Il a roté. Non, mais en tout cas, elle l'a fait, elle s'est dit non, je vais me barrer. C'est un truc en fait. Sale ? Non. Il n'a pas payé ? Non. Non, parce que ça, c'était ça fait pu, ouais. Avant la prise de commande. Il a commandé genre un truc qui pue. Non. C'était avant même de prendre la commande. Avant même que le serveur vienne prendre la commande. Et c'est justement le fait qu'il veuille prendre la commande qui a créé le quiproquo. Elle a pas choisi. Non. Non, c'est plus sa réaction à lui qui est sinon. En gros, le serveur avait du mal à arriver. Ouais. Et c'est ça qui a poussé l'homme à faire quelque chose. Genre, il a sifflé ou un truc comme ça pour appeler le serveur, non ? Franchement, je vais te le donner. Parce qu'en fait, comme le serveur ne venait pas, il a fini par sortir une clochette pour attirer l'attention. Et oh, toi, là ? Alors, je vous raconte l'histoire. C'est un trentenaire en couple. Ils vivent en Grande-Bretagne, mais en fait, ils ne vivent pas dans la même ville. Du coup, ils se retrouvent au resto le week-end. C'est leur petite, leur lieu de villégiature. Et en fait, quand le serveur n'entendait pas, il a sorti une clochette. Donc, il lui a dit s'il te plaît, arrête de sortir la clochette, on passe pour des cons. Et lui, en fait, tant que le serveur ne venait pas, il continuait à bouger la clochette. Donc du coup, ils se sont pris la tête. Elle lui a dit que c'était humiliant et que tout le monde les regardait et que c'était gênant, que ça lui faisait mal aux oreilles. Bah oui. Du coup, ils sont sortis du restaurant, donc il l'a poursuivi dans la rue et il lui a pris la tête en lui disant que c'était de sa faute, que le serveur il aurait dû arriver plus vite et qu'il avait raison de mettre la clochette. Du coup, ils se sont pris la tête à cause de ça. Voilà. Et du coup, il lui fait la gueule et à l'heure actuelle, il attend que ce soit elle qui s'excuse. Eh bah dis donc. C'est les hommes, quoi. Ah bah bravo. Alors, c'est sa première dans l'émission, elle dénigre les hommes. Déjà, l'animateur a été poussé sur le banc de touche. Et en plus, maintenant. Non mais sérieux là. Voilà, donc maintenant il boude depuis 4 jours, il attend des excuses de la dame. Mais c'est je sais pas comment j'aurais. Je me vois bien au réseau. Ding ding ding ding ding. Non mais il est. Moi, alors, par contre, moi si je devais prendre un objet, moi je prendrais carrément une corde de brume, tu sais. Comme mais ça. Arrête, non, jamais non, dans mais... l'abus, Mélia. Il abuse, puis après elle sort la corde, tu sais. C'est ça. Non, mais je veux dire, quitte à se faire plaquer ou à se retrouver tout seul, bah autant aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais, c'est après, vrai. Ça veut quand même dire pour moi qu'il a prémédité le truc, parce que tu sors pas une clochette de ton manteau. Bah, t'as jamais quelqu'un qui se promène avec une clochette ? J'ai une clochette là. Moi j'ai la vache avec la clochette aussi, non. Enfin bref, on va partir. Je peux pas vous dire dans quel pays, parce que sinon ça donne la réponse, mais des images de quelqu'un de connu qui gagne Danse avec les stars n'arrête pas de pulluler sur le web. De pulluler ? Oui. Pas de baiser quoi. Danse avec les stars américains alors ? Non. Bah, cherche pas le pays, cherche plutôt le type de personne. Tu m'as dit, ça donne la réponse. Alors moi, non, parce que si je te la donne, ça va être la réponse. Mais en fait, c'est quelqu'un, à l'heure actuelle, on parle pas du tout de lui pour Danse avec les stars. Et en fait, comme il a gagné Danse avec les stars en 2006. Les images ressortent. J'étais pas né, Audrey. Ah oui, on a des mineurs autour de la table. Voilà. Ça peut arriver. Mais quel. Alors là, 2006, c'est trop vieux. Je savais même pas qu'il y avait. À l'heure actuelle, je pense qu'il est dans le top 3 des personnes de qui on parle le plus dans le monde. Quoi ? Mais Vladimir Poutine ? Non. Non, c'est pas Poutine qui a gagné Danse avec les stars, malheureusement. Ben non, mais alors là, Il en reste deux. Zelensky ? Oui. Zelensky, effectivement. Ah bon. Il a gagné Danse avec les stars en 2006, avant d'être élu président de l'Ukraine, évidemment, en 2019. Il était d'abord comédien et s'est fait remarquer en participant à la version ukrainienne de Danse avec les stars, qu'il a gagné en plus. Mais sérieusement. Et ça l'a rendu, à l'époque, plutôt célèbre. Après, il a été comédien, il était notamment prof d'histoire dans une série télé ukrainienne. Voilà, mais il a tout fait. Et en fait, il était tellement populaire que quand il s'est présenté, il a été élu avec 73% des voix. Et du coup, en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des images du président de l'Ukraine en train de faire des tcha-tcha-tcha ou des foxtrots. Voilà. Arrête, c'est cool. Moi, j'aimerais bien voir Macron. J'ai pas vu les images. Sur un tcha-tcha-tcha, Emmanuel Macron et le passe vaccinal. C'est parti, on y va. Bon, allez, cette fois, on va revenir en France puisqu'on va aller à Nancy où une installation à la mairie fait beaucoup parler. Alors avec Alice on sort pas hein, donc ouais. On peut pas savoir. Après j'ai jamais vu des gens qui sortaient à la mairie hein. Une installation. Ouais. Un truc assez grand genre de plusieurs mètres. En fait quand tu rentres dans la mairie tu peux pas le rater. Une statue. Une grande allée avec une statue, ouais, c'est ça. Non, c'est pas une statue. Je peux pas trop vous donner d'indices. Si tu mets juste statue, c'est pas assez. Une œuvre. C'est une œuvre d'art. C'est pas une œuvre d'art, c'est un acte de sensibilisation. Pour le vaccin ? Non, c'est médical, mais c'est pas le vaccin. Ah, c'est pas le. le truc du colon là. Si, bah tu vois, tu l'as exactement. J'ai dû voir ça, un tunnel de colon pour le cancer. Exactement. Effectivement, c'est pas habituel. Tu as la bonne réponse. Ouais. Effectivement, depuis hier, un colon géant de plusieurs mètres trône à la mairie de Nancy. Ça. Et donc, l'objet, c'est d'attirer l'attention des visiteurs sur le cancer colorectal. Voilà, puisqu'à l'intérieur du colon, comme vous le savez, des polypes en forme de champignons peuvent dégénérer en cancer, en cancer invasif. Je ne comprends rien de ce que je dis. C'est un lupus, une sarcoïdose, un traitement. Voilà. J'ai 800 doutes au sein, quand même. Et donc, effectivement, puisque toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister, et à cette occasion, ils reçoivent une enveloppe dans leur boîte aux lettres. Alors, attention, dans cette enveloppe bleue, il y a un test à faire chez soi pour effectuer le prélèvement de sel. Il y a un kit à sceller sur la lunette des WC, et l'assuré va ensuite déposer sa pipette dans les sels, puis la secouer avant de la renvoyer dans une pochette au laboratoire. Voilà. Ah, ça, super, c'est super. Si vous recevez une pochette bleue, ne l'ouvrez pas. C'est bizarre, mais en même temps, c'est bien, c'est une bonne campagne, je trouve. Exactement, je suis assez d'accord. C'est bien. Parce que le cancer colorectal est très fréquent, quand même 45 000 nouveaux cas détectés et 17 000 décès par an. C'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme après celui de la prostate et du poumon. Donc j'avais envie d'être un peu plus sérieux aujourd'hui, de parler de ça. Et évidemment, il n'y a qu'une seule chose pour détecter ça, c'est la coloscopie. Voilà. Je crois qu'on va finir là-dessus, non ? La coloscopie. Et ça me paraît pas mal, ouais. J'ai encore une. Oui, ça me paraît pas mal, ouais. Alors sur la coloscopie, tout de suite, on va écouter une chanson de Bouffe-moi le. Hein, bon. Et je finis avec une dernière actu, je dis n'importe quoi. Et c'est encore pire quand je suis pas autour de la table par animé, je suis encore plus con. On va vite changer, je pense. Allez, coupe son micro. J'ai une dernière actu, parce que de toute façon, il me reste encore deux minutes. Deux personnes qui habitent Compiègne ont été. Condamné pour escroquerie, mais quel type d'escroquerie ils auraient pu. Alors c'est un truc qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours si on était un peu en manque d'argent. C'est un acte que tu fais au moins une fois par semaine, sauf qu'eux, ils ont décidé de cet acte pour escroquer la personne en face. Que tu fais une fois par semaine, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou deux. Toi, lundi soir, par exemple. Je connais ton emploi du temps par cœur. Lundi soir ? Oui, qu'est-ce que tu fais lundi soir ? Ah, je fais mes courses. Ah bah voilà. Ah, ils vont manger chez leurs amis quand ils ont plus rien dans les dans. Ah, c'est pas con. Moi je le fais des fois. Elle est venue manger chez nous hier. Ah bah voilà. Exact. Ah bah voilà, c'est une très bonne idée. Tu sais pourquoi maintenant ? Non, c'est un rapport avec le fait de faire ses courses mais de pas forcément aller chez des gens qui n'ont plus à manger pendant leur ils ont fait leurs courses mais ils ont volé le porte-monnaie d'une mamie et pour payer. Non, alors ils faisaient leurs courses en drive. Ça peut éventuellement jouer sur la réponse. Ils ont pris celui du voisin. Non, parce qu'ils ont fait ça quand même pendant un an. Ah, toutes les semaines pendant un an. Ils ont pas payé. En fait, ils ont attendu que les courses soient dans la voiture, puis ils sont. Ah non, mais tu payes avant. Tu payes avant de récupérer. Tu es sûr que c'est toi qui fais tes courses ? C'est sûr que c'est pas Charles qui cloué au lit avec sa dent de sagesse qui fait les courses ? Ouais, je vais vous le donner parce qu'il reste pas non plus 50 ans pour ma chronique. En gros, en fait, à chaque fois qu'ils allaient au drive, ils se plaignaient qu'il manquait des articles. Genre parfois jusqu'à 7 articles sur 10. Ah ouais, manquants ou endommagés. C'est pas bête, quelle belle idée. Sauf qu'ils l'ont fait pendant presque un an. Ouais, c'est ça. Alors, le drive. C'était chez Carrefour à Compiègne, si tu veux savoir. Voilà. Et ils l'ont fait sur 91 commandes. Et à chaque fois, ils ont dit qu'il manquait quelque chose. Alors, déjà, l'homme, pour se justifier, dit que le sac isotherme dans lequel on donnait ses courses ne garantissait pas la congélation. Et que du coup, quand il rentrait, c'était périmé. Non, mais ça, c'est. Et en plus, mais malin le gars. À chaque fois, c'était toujours des trucs genre, c'était pas de la modeste, c'était du champagne, des cartouches d'encre. Ah ouais, bah oui. Du coup, ils se sont fait choper et ils ont été condamnés déjà à rembourser la somme. Et lui, il a été condamné à 5000 euros et elle à 2000 euros à rembourser sous les 6 mois. Voilà, donc il dit même qu'un jour il avait commandé du champagne et qu'ils avaient pas enlevé l'antivol et qu'en enlevant l'antivol, il a cassé la bouteille de champagne avec sa pince. Et en fait, il s'est placé sur en fait, quand tu prends tes courses au drive, les aliments sont périssables et du coup, en fait, ils ne récupèrent pas. En fait, les supermarchés disent pas oui, ramène le truc qui a bravé la chaîne. Du coup, il les gardait. Et sauf qu'au bout de 91 commandes, je pense qu'il était un peu loin, le gars. Il aurait pu s'arrêter. Oui, voilà, c'est ça. Et en tout cas, c'était tout pour moi, pour mon génie de l'actu. Merci beaucoup, c'est moi qui clôture ta chronique aujourd'hui. Oh, j'aime bien. C'était super intéressant, merci beaucoup. On va écouter The Weeknd avec Blinding Lights. Cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly. Et c'était The Weeknd avec Blinding Lights. Jusqu'à 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Alors, le débat du jour, c'est sur les compliments. Quel est selon vous le meilleur et le pire compliment ? Le 1er mars, c'était quand ? C'était mardi. C'était la journée mondiale du compliment. Alors du coup, on s'est dit, allez, on va parler de compliments. Et du coup, j'aimerais savoir quels sont les compliments qui vous font le plus plaisir et surtout ceux qui vous feraient le moins plaisir. Alors, je sais pas, Mélie, par exemple, quel est le compliment qui te ferait le moins plaisir ? Alors moi, le compliment qui me ferait le moins plaisir, c'est super difficile. C'est, tu sais, c'est dur, des faux compliments, genre ça commence bien et ça finit mal, ouais, en général. Moi, je pense, ouais, c'est genre... Ah, t'es bien coiffé aujourd'hui, tu vois, genre le truc. Ouais, comme ça. Le aujourd'hui, ça, à la c'est fin, aujourd'hui, mal, ça fait mal, tu vois, parce qu'en ouais, plus, t'es jamais bien coiffé. Enfin, moi, personnellement, toujours, très rapidement. Alors là, il faudrait peut-être que tu te poses une question sur ta coupe de cheveux de base, en fait. C'est pas un problème de. Voilà. Non, mais ouais, le pire compliment. Oh, c'est super difficile, je crois que j'ai pas de pire compliment. Tu sais, c'est des faux compliments, genre. Ouais. Elle était bien ta tenue de hier. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, ça veut dire celle d'aujourd'hui, elle est moins bien, tu vois, c'est moins foufou. C'est un peu ça. Et toi, Guylaine ? Alors avant, parce que j'ai travaillé cette chronique, évidemment, parce que je suis un acharné de travail et que je suis au chômage. Ne balance pas tous tes chiffres maintenant. Hein. Non, on a fait cette chronique parce qu'en fait, 90% des Français ressentent le besoin d'être complimentés pour leurs actions. Voilà. Ah ouais. 90%. Donc, c'est énorme. C'est pour ça qu'ils ont créé cette journée mondiale. Moi, le meilleur compliment qu'on me pourrait faire, c'est j'aimerais trop ressembler. J'aimerais trop te ressembler. Ah ouais, j'aimerais trop te ressembler. Ou alors j'aimerais trop être comme toi, ouais, un truc comme ça. Ça, ça ouais, fait toujours plaisir. Alors moi, il y a un compliment de merde qui marche bien. C'est ah ouais, c'est original ton prénom. Je sais pas, ça veut dire quoi en fait ? T'es original. C'est spécial. De quoi ? C'est un compliment ou pas ? C'est un compliment, mais en même temps, c'est bien d'être original. Mais ça veut dire, et c'est original, genre, putain, j'arriverai jamais à écrire son nom de merde là. GR2WN, c'est bon quoi. Il y a sûrement des gens qui disent, ah, c'est original, qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Ouais, mais les gens, ils sont un peu gênés, genre. Ah ouais, ou genre, comment ça s'écrit ? Ah ouais, c'est bien, genre, mais on sait pas si c'est un compliment, ouais, ouais, si c'est un faux compliment. Sinon, non, pardon. T'as une autre idée, Mélie, je sens. Ouais, en fait, non, c'est l'idée de Charles qui répond en même temps à cette émission, et lui, il pense que le pire compliment, c'est genre, il est gentil, hein. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le pire, ça. Mais c'est vrai. Et toi, Alice, t'as des compliments que t'adores ou que tu détestes ? Bah là, je vais reprendre avec les prénoms. Moi aussi, on me disait souvent, ah, il est original, mais on dirait un petit peu un nom d'un médicament. Parce ah bon que mon deuxième prénom, c'est Aspasie. Ah ! C'est un nom grec. Voilà. C'est pas faux, on dirait un médicament. Bon, moi, c'est pas un compliment. Vous me caché, prendrez là, deux compliments d'Aspasie, Amélie, s'il vous plaît, merci. C'est beau en vrai comme deuxième prénom. Moi, j'aime bien. Hein. Mon deuxième prénom, c'est Lidivine. Non, mais, fin... Comment ? Enfin, j'ai pas vraiment de deuxième prénom, mais c'est le prénom avec lequel ma mère a hésité. Lidivine. Ah, Lidivine. Pas Ludivine. Ouais, pas Ludivine. Ouais. On va pas dans le classique chez moi. Tout le monde t'aura appelé Ludivine, de toute façon, avec bah ça. Oui, c'est sûr, t'as pas le choix. Ouais, et ben moi je suis un peu comme vous, c'est les compliments qui commencent bien et qui finissent mal, c'est-à-dire t'es trop belle maintenant, tu vois. Ouais. Tu sais, t'as... Ah, t'es trop maintenant. Ouais. Ou alors, tu vois, des trucs comme ça. Là, en fait, j'avoue, j'ai un peu cherché sur internet. Hein. J'en ai une, c'était t'es trop jolie, mais imagine avec des kilos en moins, tu serais trop canon, tu vois. Oh, mais non, mais c'est horrible. Je trouve ça sur internet. Ou alors, ah, t'es quand même beaucoup plus jolie quand tu mets des robes. Sous-entendu, d'habitude, tu es moche. D'habitude, tu es un laidron. Je trouve ça sympa. Moi, si je peux me permettre, j'ai trouvé des petits hashtags sur Twitter sur la journée du mondial du compliment. Et on a. Alors, le premier est pour vous. Monsieur, votre cours était moins chiant que d'habitude. Ça veut dire, c'était pas horrible, mais c'est dire quand même d'habitude c'est chiant. T'auras ça quand tu feras ton Romulus devant la classe. C'est ça. Madame, c'était pas mal quand même par rapport à d'habitude. Quelle horreur. Le deuxième, il est pour moi. En fait, t'es beaucoup moins con que t'en as l'air. Ouais, mais j'ai trouvé sur internet. Ah, bah oui, sur Twitter. Je les ai pas tous su, il faisait partie de. Ah, j'espère que je vais pas te les piquer. Le prochain, c'était super bonne à Mario Kart. Oui, je l'ai fait. Et bonjour, et bienvenue, on est chez vous. Et enfin, j'en ai un dernier, je pense que c'est le pire, c'est le plus important, c'est la beauté intérieure. Ah, ça veut dire vraiment, t'es sympa, mais t'es moche, quoi. Vraiment. Mais ça veut dire que t'es sympa, donc ça commence d'un bon postulat, tu vois. En tout cas, c'est cela qu'il ne fallait pas faire le 1er mars. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Moi d'ailleurs, personne n'a fait de compliments le 1er mars. Oui, alors moi non plus. Bah non, mais hein. Faut se rattraper. Bah oui, faites-nous des compliments avec Alice. On attend les compliments. Non, moi avec je tiens Alice à complimenter tous les auditeurs de Fadjet qui nous écoutent parce qu'ils sont fidèles et ils sont au moins 4. C'était un compliment qui m'a fini encore. Ouais, en fait. Mais non, je rigole, je vous aime trop. Qu'est-ce que vous faites bien cette chronique, les chroniqueurs? Ça, c'est j'ai encore des chiffres si vous voulez. Moi, je suis Monsieur Chiffre, on m'appelle le Monsieur Chiffre. Il y a un sondage qui a été fait sur les compliments au travail. Et 83,8% affirment que faire des compliments permet de valoriser son collègue et son travail. 70% estiment que cela renforce l'esprit d'équipe. Et 86% d'avis que les compliments sont bénéfiques pour le moral de tous. Donc, j'ai un mot à dire à tous les employeurs. Si jamais vos employés ne travaillent, dites-leur un petit compliment, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et en plus, tout le monde est content. Et si on finit encore avec les chiffres, attention, j'ai écrit cette vanne, je suis triste. On va parler des compliments en cuisine puisque c'est un compliment alimentaire. Voilà, alors, merci. On peut laisser un petit blanc s'il vous plaît. Voilà. 80, je suis sûr que Mélie fait partie de ces personnes-là. 91% des Français pensent que leur plat devrait être plus complimenté. Voilà. Non. Non, moi c'est dégueu. Moi personnellement, j'ai jamais eu de compliments alimentaires. Non. Oh. J'ai jamais de compliments. Parce que tu fais mal à manger ou parce que tu fais pas à manger ou parce que les gens sont des connards autour de toi? Les deux premiers, ok. Ouais. Donc tu n'es pas une grande cuisinière. C'est-à-dire que Alice, c'est aussi forte que moi pour la cuisine. La dernière fois, elle m'a fait des courgettes un petit peu grillées, cramées. C'est pour ça qu'elle s'invite chez les gens quand elle a plein dans son exactement, frigo. Exactement, voilà. Mais moi je retiens. Parce que je n'ai rien dans le frigo, plus je ne sais pas faire à manger. En fait, Alice mange chez quelqu'un tous les soirs. Elle vient chez vous ce soir. Alice recherche une cantine, voilà. Si un livreur Uber Eats nous écoute, le kebab rue Charles III, il faut nous donner ça directement. Et d'ailleurs, en parlant de compliments alimentaires, 93% des femmes semblent croire que si on leur fait des compliments, le plat sera meilleur. Ah bon? De quoi? Genre, ils estiment que leur plat est meilleur si on les complimente. Ça, c'est l'effet placebo. Bah ouais, c'est ça, tu dis, si on m'a complimenté, c'est qu'il est bon. Ou voilà. Alors, si tout le monde autour de toi dit qu'il est bon, toi tu le manges, tu dis, bon, bah c'est qu'il est forcément bon, donc en fait, t'es influencé et du coup, tu penses qu'il est bon. C'est le compliment placebo. J'ai un dernier chiffre. Non, mais vas-y, moi j'aime bien tes chiffres. J'ai 50 000 chiffres, hein, tu veux. On revient sur les compléments, j'ai envie de dire maintenant. Les compliments au travail. 24% des personnes n'osent pas complimenter leur manager. Ah bah oui, parce que c'est déplacé. Bah voilà, ils pensent qu'ils sont des suceurs, voilà. Donc Bah oui, ils ont peur de passer pour des excuses. Alors après, si on estime que de base, normalement je suis le manager de cette émission, parce que d'habitude je suis l'animateur, vous pouvez me complimenter, y a pas de problème. Je vais pas vous en faire toute une salade de fraises. Et tout de suite, on passe à la chronique de Camille. Voilà, en tout cas, en termes de chiffres, moi c'est ce que j'avais à dire. Ouais, et bah finalement la transition est bonne, on va passer tout de suite à une musique et autre chose, avant que Guylaine ne prenne plus le melon vu qu'il est à la place de Charles. C'est exactement ça. Pardon, c'était gratuit Charles. On va écouter Imagine Dragon avec Enemy. Sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it up on panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your everybody wants to be my enemy. Et c'était Imagine Dragon avec Enemy. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et je reconnais mon petit jingle de road trip. C'est très bizarre de se lancer soi-même. Tu es un frisbee, Camille, je te lance. Et en plus, tu vas parler toute seule parce qu'on ne va pas te répondre. Ah, bah, c'est normal. J'imagine que tu la laisses en monologue. D'accord, donc déjà, elle m'annonce la couleur. Non, mais si, non moi, que... je serai toujours là pour détruire ta chronique. Non, mais si, ça va te parler, Mélie, puisque j'ai décidé de vous parler d'Amsterdam et non, en fait, des fleurs aux Pays-Bas. Tu parles pas du Rijksmuseum ? Moi, je suis déçue quand même. Eh ben non, parce que j'ai envie de parler de fleurs. Donc alors, c'est une chronique voyage, pas musée. C'est une chronique qui va mélanger mes deux passions, c'est-à-dire les fleurs et les voyages. Donc là, je dis Amsterdam, mais c'est autour d'Amsterdam finalement, c'est pas vraiment Amsterdam. De mi-mars à la mi-mai, on a une partie de la Hollande qui va se transformer en mer de fleurs. Oh, c'est beau. J'ai une question, déjà. Oui. Comme un élève, il lève la main. Oui, je lève la main, parce que je ne suis pas. Je suis un bon élève. Oui. Tu disais que c'était donc à Amsterdam, enfin près d'Amsterdam, oui. De la mi-mars à la mi-mai, est-ce que c'est aussi de la mi-molette ? Non, c'est au bout d'un. Tu vois, quand les élèves lèvent la main, ils ne font pas toujours leur donner la parole. Voilà, c'est bon, je vais me rendormir dans le coin près du radiateur. J'ai vraiment cru qu'il y avait un truc intéressant. Non. Ça fait au moins la 12e émission qu'on fait, elle croit toujours être intéressant. Bon, bah voilà, alors non, il n'y aura que du gouda. Oh là là. Allez, attaque. Saison, elle commence en mars par la saison des crocus. Voilà. Après, on a les jonquilles, des jacinthes, et seulement les tulipes, les fameuses tulipes après. Donc, les tulipes qui affichent plein de couleurs, machin, et elles arrivent à mi-avril. Alors, si vous voulez y aller, c'est plutôt à partir de mi-avril jusqu'à début mai. C'est la meilleure saison. Donc en Hollande, pourquoi il y a plein de tulipes ? C'est parce qu'on a des printemps qui sont assez longs et des nuits assez fraîches. Et donc le pays, il est parfait pour cultiver des tulipes. Des tulipes ? Des tulipes, parce que les conditions sont idéales. J'aime bien cet accent. C'est quoi comme accent ? Je sais pas, mais c'est mignon. C'est des tulipes. Des tulipes, ok. C'est des tulipes. Nous avons les conditions idéales. Voilà, donc on a plein de sortes de tulipes différentes. Elles possèdent une palette de couleurs assez impressionnante. Il existe environ 120 variétés de tulipes dans le monde. Ah ouais, quand même. Il y en a près de 75 espèces qui sont cultivées en Hollande. Ah, pas mal. Voilà, et donc, comme vous le savez, c'est le véritable symbole des Pays-Bas et la fierté des nerfs. Quoi ? C'est pas Dave, le symbole des Pays-Bas ? J'étais persuadé que c'était Dave. Oh non, je suis déçu. Ça y est. Oh putain, on vient 10 minutes de chronique. Ah, heureusement qu'on n'a pas mis cette chronique. Dave, si tu nous écoutes. On a 80% des bulbes qui sont vendus internationalement et qui proviennent des Pays-Bas quand même. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est vachement ça me fait penser quand j'étais allée à Amsterdam, j'en avais acheté pour les planter chez moi, mais ouais. Ça n'a jamais marché. Ah, c'est vrai, non. Ah, c'est un bon truc ça, parce que j'en ai jamais essayé et donc. Après, c'était vraiment des trucs attrape-touris, je pense. Oui. Elle l'a acheté dans un coffee shop, du coup, c'est bizarre quand même. Il a une drôle de tête, cette tulipe. Je sais pas, j'ai un doute quand même. Ne pas comprendre. Puis je me sens vraiment détendu depuis que ça pousse chez moi, c'est vraiment bizarre. Alors, vous avez trois solutions pour aller admirer les tulipes en Hollande. Vous avez Flevoland dans le. Alors, attention. Le Noord-Doutspolder, hein, un truc du genre. Désolée pour tous les Néerlandais qui nous écoutent. Et ils sont nombreux en plus. C'est la plus grande région à bulbes à fleurs en Hollande. Et il y a là-bas le circuit des bulbes à fleurs qui est le plus long circuit cyclable pour découvrir les champs de tulipes. Donc, vous avez 100 km de chemin à arpenter pour une surface de 2000 hectares de champs en fleurs. Et ça a l'air trop beau, moi ça c'est me. Trop beau, ouais. Alors, voilà. Il paraît que les 100 km de piste cyclable, si c'est Mélie qui doit les faire, elle met 8 semaines pour découvrir le parc. Au bout de 8 semaines. J'ai fini le parc, les enfants. Alors, Romulus Rémus, c'était comment ? Parce que j'ai loupé 2 mois de cours. Non, je pense que ça vaut le coup, puisque même National Geographic l'a considéré comme l'un des plus beaux circuits au monde. Voilà. Ah, quand même ? Ouais. Et parce que National Geographic, c'est pas. Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Jean Castex, quoi. Alors, il y a quand même des règles à respecter, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ne pas abîmer les fleurs, ne pas aller dans les champs de fleurs, ne pas voilà, les abîmer. Par contre, si vous voulez, ils ont mis en place des champs où tu peux faire même carrément la cueillette. Donc, c'est vraiment des champs qui sont destinés à faire la cueillette des fleurs. Ouais, mais il n'a plus à rien à voir. Bah ouais, c'est ça le problème. Faut y aller tôt. Si tout le monde ne prenait serait-ce qu'une fleur, c'est chaud. Ça fait beaucoup, ouais. Ensuite, deuxième solution, vous avez à Alkmaar dans le nord de Hollande. Je connais ça. C'est une partie de la province du Nord Hollande. Je ne sais pas du tout si je le dis bien, désolé. C'est une zone très florissante et c'est un petit morceau de terre qui est entre la mer du Nord et le lac Dijssel, qui est le plus grand champ ininterrompu de bulbes à fleurs au monde. Et je trouve ça assez incroyable. Voilà. En fait, les Pays-Bas, c'est un pays à fleurs, quoi. Ouais. Clairement. Bah oui. Voilà. Et là, ah oui, alors à Alkmaar aussi, vous pouvez vous y arrêter parce qu'il y a un célèbre marché à fromage. Voilà. Ah, je l'avais déjà vu ça. J'ai déjà vu, effectivement. Marché à fromage. Ouais. Puis il y a un club de foot aussi. Si vous non, on s'en fout, on veut du fromage aussi. La Z d'Alkmaar, voilà, pour les footeux. Oui, alors non. Mais... Et la troisième solution, c'est évidemment le jardin de Keukenhof. C'est. Bien. Oui, Tu l'as bien dit, Keukenhof. Ouais, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a aidé. Ah, d'accord, merci. Alors, il est situé à Lys et il est seulement à 40 minutes en voiture d'Amsterdam. Et donc, c'est le plus grand et le plus connu des parcs floraux au monde, avec un show floral très connu. Et il y a environ 7 millions de bulbes. C'est une vitrine d'exposition pour 7 millions. Ouais. C'est et donc énorme, tous les producteurs de bulbes qui viennent exposer, en gros c'est une exposition comme ça, et donc ça fait plus d'un siècle que ça existe, et donc vous avez des tulipes, des hyacinthes, des jonquilles, des roses, des orchidées, des œillets, des iris, des lys, enfin il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, et donc ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de le faire. Et il y a 800 différentes sortes de tulipes pour une promenade spectaculaire évidemment. Oui, Gaëlle, non, je dois l'interroger ou pas, je sais pas, il a pas mal, j'ai peur maintenant. Oui, alors j'ai entendu dire qu'il y avait surtout un marché en bourse des fleurs. Oui, un marché en bourse des fleurs. Et en fait, quand les gens vendent trop de trucs, parce que tu sais, des fois, tu peux spéculer sur les fleurs, et bah, du coup, ça fait une bulbe spéculative. Ah non, mais moi, j'ai vraiment cru que c'était vrai parce qu'il y a vraiment un truc. C'est un jeu de mots. Parce qu'Amélie qui me regarde et j'ai l'impression qu'elle veut me tuer. C'était drôle, une bulbe spéculative. Oui, ça va. C'était drôle. Après, il faut être. J'ai fait une licence banque, hein, c'est pas de ma faute aussi. Hein, pour mon... Voilà. Ouais, bon, ok. Il y a vraiment un marché en bourse des fleurs, du coup. Mais non, mais j'ai vu que. Je revends des trucs, mais en fait, j'ai raison. J'ai répondu oui, moi, tu sais. Non, mais j'ai lu qu'il y avait des bulbes cotés quand même, et je crois qu'ils ont vendu. Si je dis pas de bêtises, j'ai lu ça sur internet, je l'ai quand même noté qu'il y avait le prix d'un seul bulbe de tulipe qui avait été jusqu'à 80 000 euros. Vache, mais quoi, c'est une tulipe? Je pense que les Hollandais, ils ont découvert un truc, ils se sont dit, mais on va faire un marché sur la tulipe. Quand la tulipe s'ouvre, il y a des billets dedans. Billets de 100 euros. Ouais, j'espère, parce que. Il y a Dave qui chante. Il sort de la fleur. Oh, bah, moi, je l'achète. Hein. Franchement, trop bien. Hein, ouais. Oh, je l'achète. J'appelle un banquier, enfin après, je l'achète. Hein. Oh, Dave dans son salon. C'est trop cool. On va refaire le jury de l'incroyable talent de l'époque. Ça va être super. Alors, si vous voulez savoir, le prix d'entrée de ce parc est 19 euros. Et il propose, je trouve ça intéressant, un tour en hélico avec l'entrée du parc qui, là, est beaucoup plus cher. Ah oui, on est à 129 euros. Mais ça va encore. Avec le tour en hélicoptère et l'entrée du parc. Donc, je trouve que ça peut être sympa parce que vu du haut, ça doit être En vrai, c'est pas cher. En général, les tours d'hélico, c'est 200-300 euros minimum. Donc, je trouve que ça va. Je trouve que ça va aussi. Et en plus, je pense que depuis le haut, ils doivent faire des espèces de fresques avec les couleurs. Ils doivent faire vraiment des choses super sympas et super jolies. Donc, effectivement, c'est raisonnable. Voilà. Ensuite, à Amsterdam, on a aussi le Tulip Festival. C'est le festival des tulipes, en fait. Et voilà. Tulipes et shit. C'est un peu ça. Où ils ont 850 000 tulipes qui sont plantées à l'automne et qui fleurissent au plein printemps. Et donc, ils font un petit festival. Donc, c'est pas forcément, je pense, la ville la plus sympa à voir si vous voulez voir des tulipes en Hollande. Mais il y en a aussi à Amsterdam. Donc, du coup, voilà, moi, ça me donne envie d'aller gambader dans les champs de tulipes. Et d'ailleurs, je pense que je vais y aller ce printemps. Voilà. Oh bah oui, bah on y va. Hein. D'ailleurs, je fais une annonce. Si vous voulez venir avec nous, Camille recherche des gens à photographier dans les champs de tulipes. Voilà. Moyennant finance, bien évidemment. J'ai envie de faire des belles photos. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses jolies, des couchers de soleil et des champs de tulipes. C'est génial. Voilà. Et comment tu fais pour je me remercie pour cette super chronique. Je suis la meilleure. Voilà. Et maintenant, on va s'écouter Justin Bieber avec Stay. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Hey. C'était Justin Bieber avec Stay. Justin Bieber. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Les indébattables. Et on relance les indébattables puisque c'est triste, on n'aura pas le jingle de Charles. Mais à la place, c'est super parce que nous allons parler d'équitation avec Alice. Alors, pardon, désolé. Vas-y. Je parle trop. Non, mais voilà, on va poser des questions. Oui, tu parles trop, je trouve. Franchement, c'est très intrusif, je trouve, dans les chroniques des autres. Non, c'est inadmettable. Déjà que tu es en train de dégager de l'animation, tu vas bientôt dégager de la voisine. Hein, continue, tu vas dégager de Nancy, même, tu vois. Ils vont dégager de la France. Va à Kiev, tiens, tu vas prendre moins le malin, là. Hein. Oh là là. T'as joué à Call of toute la journée, maintenant tu vas à Kiev, tu nous fais pas chier. Tu prends tes clics, tes claques. Pardon. Faut le calmer, celui-ci. J'ai bien dormi cette nuit. J'ai mis 5 bulles à revenir, ça va. On va parler de l'équitation, si tu veux pas, Guylaine. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, qui a des questions à poser à Alice, là? Présente-nous ta passion. Je vais commencer. Alors déjà, moi, je vais être un petit peu moins drôle que Mélie parce que je vous avoue, je fais pas autant d'intonation. Et puis, je suis ça va aller. Je suis aussi beaucoup plus calme. Attends, je vais gratter le micro. Alors du coup, je vais un petit peu me présenter. Je m'appelle Alice, je suis aussi professeure d'histoire et géographie et mon activité sportive, c'est l'équitation. Alors, le monde du cheval, l'entrée dans l'équitation, le sport, l'investissement physique et mental que ça demande. Et je vais aussi vous parler d'autres petits détails, ça dépendra de vos questions. Voilà. Alors, comment on commence l'équitation à votre avis? Quelle envie? Pourquoi? J'allais dire remontant sur un cheval, mais du coup... Pourquoi un jour tu te lèves, tu te dis « Ah, je veux faire du cheval ». Mais parce que tu aimes les chevaux déjà. Bah, peut-être, ouais. Comment? Parce que t'as regardé genre des dessins animés style Yakari et t'as eu envie de... Lequel? Eh ben, il y a Carrie. Il y a des animés avec des chevaux. Lucky Luke. Il y a Carrie, il y a Lucky Luke. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est parce que j'avais regardé Spirit à 3 ans. Voilà. Spirit. Attends, je vais aller sur Google. Moi, j'ai déjà entendu, je crois. C'est pas des gâteaux, ça, les Spirit? Oh là là. C'est un cheval blanc? Non. Les Talons des Plaines? Non, il y a un film qui s'appelle Spirit, Les Talons des Plaines. C'est Google qui dit ça, c'est pas moi. Alors là, je vais partir. Vous connaissez pas Spirit, c'est vraiment très grave. Ah si, c'est lui. Mais oui. Ah, c'est non, bon, non, Spirit. Tout, c'est un DreamWorks, voilà. C'est pour les auditeurs qui écoutent, c'est... Voilà. Bon, alors voilà, ça a été la révélation à 3 ans. Donc tes parents acceptent, tu te fous sur un cheval, tu commences en club. Et là, bah, le jour où ils te mettent dessus, c'est fini. C'est vraiment fini pour eux. Ils auraient mieux fait se casser une jambe, je pense, plutôt que me mettre sur un cheval. Mais non, c'est beau, c'est le début d'une belle histoire. Oui, c'est très beau. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, Alice est venue en cheval. Il y a son cheval. Il y a une odeur chelou devant le studio. Bah, okay, voilà, elle est venue comme ça. Et vous rigolez, mais le prix de l'essence augmente avec ce qui se passe en Ukraine. On sera tous en cheval. Et là, moi, je serais bien. Ah bah oui, alors que nous. C'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Alors finalement, quand on est jeune, on a la première chute. Vers 4 ans. Alors, soit les plus téméraires, ils remontent sur le poney, ils veulent le dompter, soit les autres, bah, ils pleurent et ils arrêtent. J'imagine que t'as arrêté, bien sûr. Bah non. La meuf qui a rien compris. J'ai remonté sur la bestiole et voilà. Et finalement, ça augmente et on commence par rentrer dans les concours. Donc là, c'est un investissement tous les week-ends. À quel âge? 12 ans. Ah ouais, c'est ans. Tôt. Okay. Ouais, c'est tôt, hein. Ça dépend des gens, mais ouais, moi c'était 11 ans, 12 ans, donc tous les week-ends jusqu'à... De 4h du matin jusqu'à 20h le soir. Jusqu'à 4h. Qu'est-ce que vous faisiez à 4h du matin? Bah, il fallait embarquer les chevaux, on avait 2h de route, voilà. Il fallait embarquer les chevaux, et c'est sûr que ça voyage pas dans une voiture. J'ai eu cannabis. Voilà, voilà. Donc finalement, c'est un investissement bah, du coup déjà mental parce que quand t'es petit, ouais. ben, tu dois faire tous tes devoirs le samedi, puis bah, tu veux jouer avec tes autres amis, mais tu peux pas parce que bah, il faut faire des concessions. Voilà, donc il n'y a pas de sortie. Oh, mais c'est triste! Ouais, mais après, ben, c'est. Est-ce que ça t'a. Pardon, je commence déjà les questions, mais est-ce que ça t'a manqué de pas sortir avec tes copains? Ou est-ce que, au contraire, tu t'es dit, moi, je m'en fous, je veux voir mon cheval? Ben, je sais pas, je me pose encore la question aujourd'hui, ah mais ouais. finalement, je regrette pas quand même. Ouais. Non, je regrette pas quand même. T'as loupé des sorties quand même. Mais j'ai loupé beaucoup de choses quand ouais. même. Et là, ça s'est aussi augmenté au lycée. Au lycée, là, c'était vraiment le pire. Je suis allée au championnat de France. Et donc là, c'était vraiment très difficile. Parce que quand t'es au collège, tu sors pas encore beaucoup. Mais au lycée, c'est commence les sorties. Bah oui, les sorties dans les salles, bah oui. les soirées. Et puis, bah, ta mère, elle vient te chercher à 23h parce que tu dois être en forme le lendemain. Demain. Donc finalement tu rentres au lycée la semaine d'après et puis ah en soirée il s'est passé ça, t'as vu? Bah non, j'étais pas là. Donc finalement dans ton groupe d'amis tu n'es pas tout le temps là, du coup finalement t'es un petit peu en retrait. Donc c'est comme je l'ai dit un investissement mental et puis bah, physique aussi parce que tu veux une sortie au kebab? Bah non. Ah non. Non, non. Ouais, moi j'aurais jamais raté une sortie au kebab. Ouais, moi non, c'est bon. Il se débrouille, il fait quelque chose, grossit, c'est pas grave. Il sera mangé tout seul, hein, c'est bien. J'ai une question. Vas-y. J'ai une question d'un auditeur qui me dit est-ce qu'un cheval c'est pas un peu comme une moto mais avec des roues? Voilà. Pas parce du qu'il tout. Y a des chevaux sous la sienne, il a dit. Oh là là. Voilà, t'es pas obligé de répondre, hein, c'était voilà, Thomas, bonjour. Non, c'est pas pareil parce que déjà c'est du vivant donc enfin oui c'est du vivant déjà et donc en fait finalement les progrès que tu fais du jour au lendemain ça peut disparaître parce que finalement c'est une communication avec l'animal que tu as en face de toi. Quand tu changes de cheval tu perds tes progrès. Tu perds pas tes progrès mais tu peux perdre tes repères et puis des fois il y a des chevaux qui correspondent pas à tes envies, enfin pas envie mais toi tu progresses, le cheval ne progresse plus donc tu t'en sépares, il vieillit, il devient malade. Oh c'est triste. Ouais. Oh, petit cheval. Donc c'est souvent une évolution où tu changes beaucoup donc ça quand t'es jeune c'est un peu difficile. T'as ton poney puis ah bah il est trop vieux. Ah ok. Oh, non, c'est vrai que c'est un peu ça fait un peu mal au cœur quand même. Vas-y Mélie. Moi j'ai une question, c'est qui travaille le plus entre le cavalier et le cheval? Non mais c'est une vraie parce question. Parce que si c'est le cavalier, il ne veut plus en faire. Mais ça, non mais c'est moi je sais. C'est une bonne question. Tu vois c'est une bonne question. Je savais que j'allais avoir ce genre bah, de oui. question. Alors déjà l'équitation, oui c'est un sport mais ça dépend aussi comment tu le pratiques. C'est sûr que si tu montes une fois par semaine, que tu fais une balade, ben bah, non tu vas pas travailler grand chose. Mais si tu montes plusieurs fois par semaine, que tu montes dans le bon sens, nous on dit ça comme ça dans le monde de l'équitation, bah oui là forcément bah tu auras des abdos, tu auras des jambes et logiquement. J'en ferme. Si tu veux monter dans le bon sens, théoriquement, tu dois pas du tout gêner le cheval. Ok, donc c'est plus toi qui bosses finalement donc, que le cheval. Quoi. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Les deux travaillent. Toi, tu es un athlète et lui aussi. Okay. Donc il y a un gros suivi derrière. Lui aussi, il doit être bien dans sa tête. Du coup, il a des abdos lui aussi, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bien comment sûr. Vous savez si vous dérangez le cheval ou pas? Moi, je trouve ça fou. Ah, ça se voit rapidement. Vu que c'est du vivant, ils peuvent vite montrer leurs émotions. Certains les cachent. Et au bout de quelques années, tu te rends compte sur la visite vétérinaire qu'il y avait ça qui était caché depuis longtemps. C'est fou. C'est comme les humains, hein. Vraiment, c'est tout à fait la même chose. Donc... Ils cachent les émotions. Il y en a des introvertis. Il y en a c'est des... ça, exactement. C'est fou. Exactement. Et donc voilà, finalement, oui, c'est un sport, bien sûr. Ah oui, bah oui. Et le cheval aussi, c'est un athlète qu'il faut surveiller, qu'il faut emmener chez l'ostéo, comme nous. Et on doit surveiller nous et le cheval pour ce qui est du mental, de la bonne condition, de la nourriture, tout ça. Voilà, voilà. Et puis, bah, du coup, je reviens au lycée. Au lycée, du coup, on se demande si on en fait sa vie ou pas. Donc bah, là, mes parents m'ont dit non. Comment ça, si on en fait sa vie, tu veux dire, genre si comme on métier, quoi. Ça, ouais. Ah ouais. Si on fait son métier. Ah, parce que du coup, t'avais le niveau suffisant pour pouvoir. Ouais. Espérer. Oui, parce qu'il faut le niveau déjà. Ouais, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et est-ce que on en fait sa vie ou pas? Et puis j'avais des écoles qui m'appelaient, des choses comme ça. Et finalement, ben, tes parents ils disent non, t'es un petit peu dégoûtée. Mais finalement, aujourd'hui, je suis contente qu'ils m'aient dit non parce que bah le monde du cheval c'est un peu compliqué. Les animaux sont incroyables, mais les gens autour. C'est très très difficile. J'aurais pas d'exemple là, Mais c'est un monde, soit des gens sont extra, soit les gens sont... Oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de milieux comme ça. Mais ils sont prêts à écraser les autres. Mais je pense que c'est dans n'importe quel sport. Après. Oui, je pense, oui. Oui, je pense aussi. Les sports de haut niveau, à mon avis, c'est comme même ça. Même le curling. Hein. Alors, parfois, j'ai vu des mecs qui jouent au curling. Je me disais, mais tu vas voir, je vais te défoncer. Non, bon, faut vraiment tous les sports. Et du coup, maintenant, t'en fais juste par loisir, alors. Ou un peu plus. Alors là, depuis 2 ans, avec Mélie, vu qu'on passe le CAPES, j'en fais pour le loisir et je fais des concours pendant les grandes vacances. Mmh. Mais j'ai prévu vraiment de reprendre. Voilà. C'est top. Moi, je suis. Ouais. Et t'as ton cheval? Ouais. Là, j'ai eu mon cheval et. Il est en bas. On t'a dit. Il est en bas du studio. Oh, son cheval, rien, il s'appelle Cocktail. Moi, je sais. Oh bah oui, forcément. Tiens, ça parle d'alcool. Ça va. Ça doit être un rêve. Vin rouge, il s'appelle. Ça va très très bien avec ma personnalité, son nom. Voilà. Et vous entendez bien. Et la vie est belle. Et c'est trop. C'est ça. C'est beau. On finit comme ça. C'est magnifique. Ouais. Et bah moi, je suis super contente d'avoir une petite chronique qui change un peu. C'était très vrai. C'est très intéressant. Ouais. Et eh bah, le générique qui est pas parti. Eh bah, c'est tu peux le faire si tu veux. Voilà, hein, c'est. Et bah voilà, on va le lancer manuellement. Il faut juste que je mette le son. Voilà. Nickel. Et bah merci. Bah, c'est bête, j'avais pas fait d'erreur technique jusqu'à maintenant. Et bah voilà. Mais non, mais il y avait pas, c'est bon. J'espère que vous avez aimé ce petit switch d'animateur. On en refera parce que je sens que Mélie a très envie de le faire aussi. Carrément. Et moi aussi, j'ai très envie de voir Mélie. Bah, vous allez s'animer quand même. Hein. Non. T'as laissé ta place. Tu feras des chroniques. Je le savais. On va changer tout. On va mettre. Guylaine fera des chroniques d'histoire. Là, ça va être n'importe quoi. Donc bah, si vous avez bien aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, tant pis. Parce que. Vous pourrez quand même retrouver l'émission en podcast sur Spotify dès demain, voilà, si vous avez envie de réécouter la voix de Camille. Merci. Et la voix d'Alice aussi. Exactement. Oui, et celle de Mélie. Et oui. Voilà, voilà. Et ben, on se retrouve jeudi 17 mars pour la voisinade spéciale Saint-Patrick. Et d'ici là, et ben, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao. Salut.